et informer la population de leur situation. L'objectif est d'amener Air Canada à revoir sa position. L'entreprise explique ses licenciements par l'augmentation du prix du pétrole. L'uranium de Saddam Hussein est parti du port de Montréal. Arrivé dans le plus grand secret début juillet, les 550 tonnes d'uranium enrichi ont été transportées par camion à Port Hope et à Blind River. Là, l'uranium doit être traité par la société canadienne Cameco pour être utilisé dans des réacteurs nucléaires civils. Le déneigement de l'hiver dernier va coûter plus cher que prévu à Laval. La ville de Laval va en effet devoir payer une amende de 10 000 $ à la Société de l'assurance automobile du Québec. Laval a reçu cette amende pour avoir fait travailler trop longtemps et sans pause ses chauffeurs de camions de déneigement l'hiver dernier. La ville de Laval estime que la Société de l'assurance automobile du Québec a été moins souple avec elle qu'elle ne l'a été avec Montréal. La ville de Montréal a en effet obtenu deux fois une dérogation au cours de l'hiver pour que ses équipes déneigent d'urgence les rues sans respecter toutes les normes. Mais Laval, qui a aussi demandé une dérogation, ne l'a jamais obtenue. La grève évitée dans les casinos pour le moment. Après 6 jours de négociations intensives, une entente de principe est intervenue jeudi entre l'employeur et les syndicats affiliés à la FTQ qui représentent les 1200 croupiers. Les détails de cet accord n'ont pas été divulgués. Les syndiqués réclamaient notamment des changements importants dans leur régime de retraite. L'entente sera soumise aux syndiqués dans les prochains jours. Toutefois, un autre conflit est toujours possible puisque les 2500 employés de la restauration, de la sécurité et de l'administration qui sont affiliés à la CSN sont toujours en train de négocier. Le syndicat a obtenu un mandat de grève jeudi dernier. La CSN affirme vouloir l'appliquer si c'est nécessaire au moment opportun dans les prochains jours. Les salaires, le régime de retraite et l'assurance collective sont au cœur des discussions. Voilà qui clôt votre bulletin d'information sur les ondes de CIBL Radio Montréal. Allô la Terre? Ici Radio Montréal. Et allô à vous qui nous écoutez sur CIBL Radio Montréal. Ici Nicolas Gendron qui vous présente l'émission de cette semaine d'Allô la Terre, ici Radio Montréal. Et bonjour aussi à Dominique Raté qui est avec nous comme chaque semaine. Bonjour Nicolas. Alors aujourd'hui, nous allons parler de récupération hors foyer. Qu'est-ce que c'est que la récupération hors foyer? Bien, c'est simple. C'est un bac, mais qui n'est pas sous votre évier ou sur votre balcon, mais qui se trouverait sur la rue, dans un parc, qui vous permettrait de ne pas trimballer la bouteille de plastique que vous avez bu en allant faire votre balade. On va parler aussi des vélos. Une montagne et ses vélos. Les vélos de montagne, semble-t-il, font du tort au Mont-Royal. On en discute avec la directrice générale des Amis de la Montagne, Sylvie Guilbeault. Et puis, bien entendu, Dominique va nous faire rouler à vélo, comme chaque semaine. Alors, restez avec nous. On vous revient dans un instant avec la revue de presse. La revue de presse réchauffement climatique pour cette semaine, environ 100 mois avant le cataclysme, Le Devoir, 22 juillet. Il nous reste peut-être moins de temps qu'on pensait pour éviter un cataclysme planétaire. Une nouvelle étude britannique estime que l'humanité dispose au plus d'une centaine de mois pour changer ses habitudes de destruction du globe, sans quoi la dangereuse combinaison des problèmes liés au changement climatique, à la demande énergétique et aux finances aura atteint un point de non-retour. Selon un groupe d'experts provenant des milieux des finances, de l'énergie et de l'environnement, l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre, mais aussi la hausse fulgurante des prix des denrées alimentaires et de l'énergie, vont conduire la planète vers sa crise la plus importante depuis celle des années 30. Les glaciers péruviens fondent à vue d'œil. Il n'y a pas tellement de bonnes nouvelles dans cette revue de presse. Les glaciers péruviens fondent à vue d'œil, la presse 23 juillet. Au Pérou, la fonte accélérée des glaciers tropicaux menace de priver d'eau tout le pays, des paysans du Quechua aux habitants de Lima. Les glaciers tropicaux, situés sous des latitudes où les radiations solaires sont très intenses, ont été particulièrement touchés par le réchauffement climatique. Lors du premier inventaire réalisé en 1960, la cordillère Blanche était couverte par 723 km² de glaciers. Le dernier relevé satellitaire de 2003 a montré qu'ils avaient fondu pour atteindre 535 km². Non seulement nous avons perdu 26 % de masse glaciaire en 33 ans, mais le phénomène s'accélère, souligne Jesús Gómez, un glaciologue. Jusqu'aux années 70, la vitesse de recul du front des glaciers était de 9 mètres par an. Aujourd'hui, elle dépasse 20 mètres. Ce glacier on le disait, fournit l'eau à une bonne partie du pays. Alberta, Saskatchewan, au bord du gouffre climatique, cette fois-ci, une chronique de Jeffrey Simpson dans le Globe and Mail du 23 juillet. Et il écrit tout à fait ironique et pathétique que les deux provinces canadiennes qui se soucient le moins des gaz à effet de serre soient justement celles qui sont le plus menacées par les changements climatiques. Ed Stelmack d'Alberta et Brad Wall de Saskatchewan sont désespérément voués à la protection de l'industrie pétrolière. Ils gouvernent les deux provinces dont les émissions polluantes sont les plus élevées per capita. Pourtant, ils s'opposent à toute mesure visant à réduire les émissions en termes absolus. Pour bien comprendre les défis que vont poser les changements climatiques, le gouvernement fédéral a demandé à une douzaine de scientifiques, parmi les plus éminents, de se pencher sur la question. Le rapport a été livré. Il fait près de 500 pages. Vous n'en avez jamais entendu parler? Pas étonnant. Bien qu'il ait été livré au gouvernement fédéral en 2007, ce gouvernement, qui est très soucieux de conserver sa mainmise sur la diffusion de l'information, mais qui est aussi préoccupé par le fait que certains des renseignements conçus dans le rapport en question puissent rendre évident l'inefficacité de son plan d'action face au changement climatique, en a tout simplement empêché la publication durant des mois. Et cette étude nous apprend que ce sont les prairies, et tout particulièrement l'Alberta et la Saskatchewan, qui subiront les effets les plus dévastateurs des changements climatiques. À noter aussi que dans l'édition du lendemain du Globe and Mail, un entrefilet faisait état de la façon discrète qu'employaient certains ministères fédéraux pour publier les renseignements jugés délicats. On donne en exemple la publication d'une étude portant sur les effets des changements climatiques par le ministère des Ressources naturelles. L'étude a été mise en ligne un vendredi après 17 heures et n'a été soulignée par aucun communiqué de presse. Vous qui nous écoutez, vous êtes sensible aux questions de protection de l'environnement, de durabilité des ressources et de cette planète, en quelque sorte. Donc, probablement qu'à la maison, vous avez de bonnes habitudes. Vous mettez vos bouteilles de plastique et de verre au recyclage. Vous mettez le papier aussi au recyclage. Dès que vous sortez de la maison, par contre, ça se complique. Au parc, par exemple, on ne trouve que des poubelles. Alors, qu'est-ce qu'on fait de son journal? Qu'est-ce qu'on fait de sa bouteille? Il faut la trimballer jusqu'à la maison et la mettre dans son bac de recyclage. Et il y a beaucoup de gens qui ne le font pas, qui la mettent tout simplement à la poubelle ou qui la laissent traîner là en se disant que quelqu'un va la ramasser, Dieu sait qui. Il suffit aussi d'aller dans un grand événement public pour voir le reste, la quantité de bouteilles, de verre, de plastique, de toutes sortes de bidules qu'on peut générer, qui se trouvent là dans la nature une fois que l'événement est fini. Alors, on se pose la question, comment se fait-il que le recyclage au foyer soit si avancé, mais que dès qu'on met le pied à l'extérieur de la maison, il n'y a rien? Eh bien, il existe un organisme qui commence à changer cette réalité, qui a pour but de changer cette réalité. Ça s'appelle la table pour la récupération hors foyer. J'ai discuté avec la directrice générale de cet organisme, Louise Fecteau. J'ai commencé par lui demander quel était le rôle de son organisme exactement. Notre mission, c'est d'initier, de mettre en œuvre et de financer des projets, tant auprès des municipalités que des gestionnaires de restaurants, bars et hôtels. Donc, vous avez deux objectifs, les organismes municipaux et les restaurants, bars et hôtels. Oui, deux clientèles cibles. C'est nos deux secteurs d'activité visés. On a fait des études préalables. Là, en 2006, on a étudié la question en long, en large, tant sur le plan théorique, là, à voir quel secteur hors foyer était mal desservi, peu ou mal desservi, en fin de compte. On a identifié ces secteurs-là, on a fait des projets pilotes dans des secteurs précis en aire publique municipale et dans des restaurants variés, là, bars et hôtels. Et ça nous a permis de faire des constats, des recommandations. Puis à partir de ça, on a monté le programme en bonne et due forme, là, un gros programme triennal avec des fonds de 6 millions qui sont déjà engagés là, de manière formelle, et puis ça croît. On a commencé avec 6 millions assurés, on est rendu à presque 7 là, sur un horizon de 3 ans. Donc, on finance des projets en aidant, en fin de compte, les demandeurs à mettre en place vraiment des systèmes, donc de les installer de manière durable, un peu comme la collecte sélective porte-à-porte qu'on ne remet même plus en question. Là. Donc, d'aider les entrepreneurs de collecte à ouvrir des routes. Il y a des entrepreneurs dans 13 régions sur 16 du Québec qui se sont dit intéressés à desservir le secteur des restaurants, bars, hôtels. Donc là, le Québec est couvert. Puis là, maintenant, les projets sont en train de se planifier puis vont s'installer tout au long des 3 prochaines années. Mais dès cet été, on va en voir apparaître un peu partout. À Magog, à Sherbrooke, dans le bas du fleuve, il y a plusieurs villes, là, Rimouski, Matane, Percé, en Abitibi, Asbestos, à Drummondville. On a des projets à grandeur du Québec là, qui sont déjà approuvés. Les équipements sont commandés. Ils vont s'installer dans les prochaines semaines. Montréal peut être financé. Les organismes montréalais peuvent être de la ville de Montréal peuvent être financés par vous. Oui. À Montréal, là, déjà, il y a l'Agence métropolitaine de transport, qui est un projet très important, lui aussi, qui s'étale sur 3 ans. La première année, on finance la moitié des quelques, je pense qu'il y en a, je ne sais plus combien de gares et de stationnements incitatifs de l'AMT qui vont être desservis. Nous, on finance, je pense, 56 000, quelque chose du genre, là, sur un projet de presque 100 000 de l'Agence métropolitaine de transport pour cette année, là, des équipements qui vont s'installer au mois d'août-septembre, sont déjà en commande. Puis ça va continuer là, dans les 3 prochaines années. L'AMT va couvrir tous ces emplacements. La Société du parc Jean Drapeau vient de finir de développer son projet. Fait qu'on a des sociétés paramunicipales, donc Agence métropolitaine, Société du parc Jean Drapeau. On a eu beaucoup de discussions avec le métro de Montréal aussi, la STM. Et on va y aller par station plus achalandée en allant vers... en faisant un rayonnement du plus achalandé vers le moins là, dans les prochaines années. La ville-centre, c'est ces bâtiments qui sont ouverts au public, puis les grands parcs, puis les arrondissements, bien, c'est les bordures de rue, là. Donc, les arrondissements, Plateau-Mont-Royal a déjà déposé un projet, Ville-Marie est en train de tester quelques équipements sur Sainte-Catherine, ça fait que ça s'en vient, là. Dès cet automne, on devrait vraiment voir apparaître les contenants un peu partout. Oui, oui. Dans Plateau-Mont-Royal, entre autres, là, c'est Parc Baldwin, Parc Laurier. Il va y avoir des équipements installés dans les prochaines semaines. Oui. Puis à la ville de Montréal, c'est les grands parcs, là. Puis ils sont en train de travailler là-dessus. Ils vont déposer leur projet dans les semaines à venir. Fait que le mouvement est enclenché, là. Il est irréversible. C'est en train de se mettre en place. Lentement, mais sûrement, on se demande, il y a plein d'endroits où il y a très peu de ressources pour le recyclage. On n'a qu'à penser à l'aéroport, ici à Dorval. On se trimballe avec son journal et on ne sait vraiment pas quoi faire avec, alors que dans d'autres aéroports, il y a tout ce qu'il faut pour recycler. Donc, dans quelques semaines, on va aller voir apparaître ces nouveaux contenants et en espérant que ça s'amplifie et que nous n'ayons plus, dans un avenir rapproché, à trimballer nos bouteilles de verre, de plastique et nos journaux jusqu'à la maison. Et on va maintenant écouter Véro, c'est comme ça qu'on l'appelle, les intimes l'appellent Véro, Véronique Sanson, qui a donné un spectacle vraiment, vraiment très fort samedi soir. Et puis, elle a une petite chanson, elle est très sensible à l'environnement, semble-t-il, elle a une petite chanson qui s'appelle « Un peu d'air » et hop! Non, c'est pas nous, les tout petits commis. c'est pas nous, les tout petits fourmis. Puis des sciences à dessous, dehors. Laissez-nous vivre, laissez-nous mourir vieux. Sans imbéciles, sans caca dans les yeux. Tonnes de mercure, un million d'ordures et hop. Tonnes de cyanure et un peu d'air pur et hop. Lobotomisé. Tout l'univers. Je voudrais lobotomiser tous les pollueurs de rivière. Toutes les marées noires, les zones à l'hectare qui s'en vont dans l'avenir. S'ils nous vendent nos souvenirs, ça leur fait pas peur. Non, non. C'est immoral, mais c'est normal. Oh non, c'est pas nous. On obéit aux ordres, non, c'est pas nous. On obéit aux normes, laissez la main colorée dehors. Non, c'est pas nous, les tout petits commis. Non, c'est pas nous, les tout petits fourmis. Puis des sciences à dessous, dehors. Laissez-nous vivre, laissez-nous mourir vieux. Sans imbéciles, sans caca dans les yeux. Tonnes de mercure, un million d'ordures et hop. Tonnes de cyanure et un peu d'air pur et hop. Pardon, Véronique Sanson, qui à 59 ans n'était pas venue nous voir depuis 15 ans, donc ça faisait, en fait, elle était venue à 44 ans et retour à 59 ans, c'est quand même un saut. Alors, on va finir la revue de presse avec la revue de presse générale. Une nouvelle loi pour des décisions gouvernementales plus vertes, la presse, 22 juillet. Avant de quitter pour de bon le Parlement et la politique à la fin du mois, le député libéral de Don Valley West à Toronto, John Godfrey, aura réalisé un petit exploit à sa façon en faisant en sorte que le gouvernement fédéral prenne au sérieux le concept de développement durable. Le ministre de l'Environnement, John Baird, et les conservateurs ont en effet appuyé tout récemment sans réserve le projet de loi C-474 de M. Godfrey, qui oblige désormais le gouvernement à avoir une stratégie globale en matière de développement durable, c'est-à-dire des buts et des objectifs précis qui contribueront à l'élimination des principaux problèmes environnementaux. Un code du bâtiment vert en Californie, la presse 23 juillet. des édifices qui utilisent moins d'eau aux maisons qui nécessitent moins d'énergie. Les nouvelles constructions seront plus écologiques en Californie. L'État vient de se doter du premier code du bâtiment vert en Amérique du Nord. Le code stipule que toutes nouvelles constructions commerciales et résidentielles devront réduire leur utilisation d'énergie de 15 % l'utilisation d'eau de 20 % et l'utilisation d'eau pour l'aménagement paysager de 50 %. Opération économie d'essence à la police, la presse 23 juillet, conséquence directe de la flambée du prix du pétrole, des centaines de policiers montréalais enquêtent désormais à bord de petites Toyota Yaris et autres 4 cylindres économiques plutôt qu'en grosses voitures dévoreuses d'essence. La police montréalaise a acquis cette année 12 véhicules hybrides et 28 voitures à consommation d'éthanol. 24 autres voitures de ce genre s'ajouteront au parc des 1155, c'est quand même beaucoup de voitures, c'est quand même beaucoup d'essence, 1155 automobiles d'ici la fin de l'année. Algue bleue, le Bloc réclame l'interdiction de vendre des détergents contenant du phosphate, journal de Rosemont-Petite-Patrie, 25 juillet. Dans le but de contrer la prolifération des algues bleues, le Bloc québécois et son porte-parole en matière d'environnement, Bernard Bicra, presse le gouvernement conservateur d'interdire l'importation, la fabrication et la vente de détergents contenant du phosphate. Le gouvernement conservateur a adopté un règlement interdisant les détergents pour la vaisselle contenant plus de 0,5% de phosphate à partir de 2010. Bernard Bigra juge que ce n'est pas assez rapide. Il invite le gouvernement à accélérer plutôt l'adoption du projet de loi bloquiste. Et finalement, on parle d'algues bleues, moins que l'été dernier, mais on en parle toujours. On en a parlé ici abondamment. Au Lac citoyen, Le Devoir, 25 juillet, jugeant le gouvernement québécois que le gouvernement québécois n'en faisait pas assez pour connaître l'état de santé réelle des cours d'eau de la province, les instigateurs du programme Réseau d'inspection et de vérification de l'eau entendent poursuivre leur action cette année en formant plus de citoyens aptes à effectuer eux-mêmes le suivi. Mené de concert par la Société pour vaincre la pollution, la Coalition Au Secours et le Sierra Club Canada, ce programme permet à ceux qui le souhaitent de suivre une clinique de formation pour apprendre à vérifier la qualité bactériologique des cours d'eau et découvrir les sources de pollution. L'idée est d'instaurer un véritable système de surveillance communautaire des lacs et autres cours d'eau, selon Daniel Green, de la Société pour vaincre la pollution. Et maintenant, on écoute Dominique A. et le 22 Bar. On dansait, c'était plutôt inhabituel, alors bien sûr j'en profitais. De bras en bras les gens passaient, ça n'était qu'un temps court pour se relancer et puis se remettre à danser. Parfois j'entendais quelqu'un m'appeler, personne quand je me tournais. Au 22 Bar ce soir-là, on dansait. Je ne sais plus pourquoi c'était, non. Pas plus que les gens qui dansaient. Si par hasard ils s'arrêtaient et ils sentaient de vieux décors se balancer, plusieurs fois manquer de tomber. Et du coup de bras en bras ils repassaient. Alors on se laissait aller au 22 Bar ce soir-là. Parfois j'entendais quelqu'un m'appeler, personne quand je me tournais. Au 22 Bar ce soir-là. je le voyais. Je l'appelais puis me cachais. Après tout ce qu'il m'avait fait, j'attendais le bon moment pour l'aborder et sentir son sang se glacer. Mais comme vraiment rien ne pressait, ne pressait, pour l'heure je le laissais filer. Entend moins ces années-ci, Dominika, la pièce que vous venez d'entendre, la chanson que vous venez d'entendre date d'il y a quand même quelques années. Et alors, restez avec nous dans un instant, on va aller à la pause publicitaire et au retour, eh bien, il y a Dominique Raté qui va nous faire sa chronique rouler à vélo. Alors, il semblerait que la journée parking se soit mal terminée et il y a aussi le vélo libre service et le sondage de juillet, on va aussi vous parler du Mont-Royal dont les cyclistes qui font du vélo de montagne ils font pas du très beau travail sur le Mont-Royal, semble-t-il, qu'ils accélèrent l'érosion des pentes du Mont-Royal. Alors restez avec nous, on vous revient après la pause publicitaire. Lundi, vous avez beaucoup à gagner au 8 sur 8. Procurez-vous la combinaison gagnante dès aujourd'hui. Le 8 sur 8 est une façon de découvrir votre portrait de joueur à l'aide de questions et de conseils. En voici un. L'argent que l'on mise au jeu est une dépense de divertissement. Il est avantageux de fixer à l'avance la somme que l'on veut y consacrer et de ne pas dépasser cette limite. Procurez-vous le dépliant 8 sur 8 à 8sur8.com. Une initiative de la Fondation Mise sur toi. Où est-ce que je pourrais trouver des informations sur la ville de Montréal? Eh bien, passez donc midi libre, c'est tous les jours à midi. Parce qu'à tous les jours, la salle de presse de CIBL Radio Montréal vous informe sur l'ensemble de l'actualité montréalaise. C'est un outil d'information pour la ville de Montréal. C'est un bon programme. Lundi au vendredi, de midi à 13h, votre bulletin d'information, c'est le midi libre à CIBL Radio Montréal. La culture n'est pas un monstre. Il paraît même que c'est le fun. Pour en savoir plus sur cette bête apprivoisable, écoutez le seul retour à la maison 100% cultivé, le 4 à 6. Invités, entrevues, découvertes musicales, arts visuels, théâtre, cinéma, performances, tout y passe. Le 4 à 6, de 16 à 18 heures. CIBL Radio Montréal. Rebonjour, bienvenue à Allô la Terre, ici Radio Montréal. Et rebonjour à Dominique Raté qui n'a pas eu l'occasion de placer un mot durant la première partie de l'émission. Je vais me reprendre, ne vous inquiétez pas. Alors c'est maintenant à votre tour, Dominique. Bon, après votre chronique, on va parler du vélo de montagne sur le Mont-Royal. Mais maintenant, la scène est à vous, alors avancez-vous et affirmez-vous. Merci beaucoup. Alors je débute moi aussi l'émission, ma chronique plutôt, avec une revue de presse. Donc, dans le Journal de Montréal du 21 juillet, le journaliste Michel Larose publie deux articles sur un tricycle fait sur mesure pour les handicapés visuels. Deux personnes prennent place côte à côte sur le vélo, soit un voyant qui tient le guidon et un non-voyant. Le vélo est doté de deux transmissions indépendantes. ce qui permet aux deux cyclistes de pédaler à leur propre rythme tout en choisissant la vitesse qui leur convient, ce qui est très pratique. Donc, dans un des articles, on présente le cas de Florence Lévesque, 73 ans, qui a perdu la vue il y a 2 ans et qui, grâce au vélo, peut profiter un petit peu plus de sa retraite. C'est incroyable, ça, j'avoue que je suis vraiment impressionné. Oui, je pense que la dame dans l'article, ça paraissait qu'elle était très contente et puis elle retrouve une certaine autonomie, puis elle faisait des sorties d'1h30 là, à plusieurs reprises au cours de l'été. Donc, je pense qu'il y a plusieurs 73 personnes... 73 ans, 1h30 sur le vélo. Oui. Elle mérite un trophée, là, madame? Certainement. Elle est accompagnée, bien sûr, mais c'est peut-être elle qui pédalait plus fort. Donc, c'est l'Institut de Nazareth et Louis Braille qui a mis sur pied le programme l'année dernière. Et les vélos valent 4 500 $ chacun, mais ils peuvent être loués à un prix très modique, donc c'est pas nécessaire de l'acheter. Donc, pour plus de renseignements, on va sur le site internet inlb.qc.ca ou on compose le 450-463-1710. Le Soleil aborde quant à lui la problématique du vélo urbain. Le journal de la Capitale-Nationale publie sous la plume du journaliste Éric Moreau un article fort intéressant sur la situation du vélo utilitaire dans la ville de Québec. La première phrase du texte donne le ton « Rouler à vélo dans les rues de Québec est un sport extrême ». Je tiens à souligner qu'on pourrait remplacer Québec par Montréal et même dans plusieurs autres villes. Le manque de pistes cyclables est décrié tout comme la lenteur des politiciens à agir afin de régler les lacunes actuelles du réseau. Les problèmes étant identifiés, il ne manque plus que l'action politique et un budget à la hausse pour que les solutions se concrétisent. Québec compte plus de vélos que d'automobiles, avance le journaliste, ce qui est intéressant ou tout autant que surprenant. Avant d'ajouter avec plein de sagesse, encore faut-il qu'il sorte du cabanon. Je passe maintenant aux actualités du cyclisme urbain à Montréal. Je fais un retour sur la journée parking qui s'est déroulée sous un soleil radieux vendredi dernier et qui était organisée par le collectif Montréal à vélo. Malheureusement, la journée a été interrompue par les policiers du service de police de la ville de Montréal vers 11h et la journée parking avait commencé là, officiellement vers 8h. Mais l'activité de sensibilisation n'est pas tombée à l'eau pour autant, rassurez-vous, elle s'est poursuivie, mais à échelle réduite, c'est-à-dire qu'au lieu d'occuper tout un espace de parking, de stationnement, normalement occupé par un véhicule, le collectif a dû se... Donc, il y avait un autre espace de parking qui était occupé par un véhicule et le petit espace qu'il y avait en avant a été gazonné, si on pourrait dire, plutôt que tout un espace de stationnement. Je vous fais un bref rappel là, de ce que c'est une journée parking. Il s'agit de citoyens qui transforment de façon temporaire un espace, une place de stationnement en espace public, notamment en une de ses formes les plus conviviales. On parle ici d'un parc. Je vous invite à vous rendre d'ailleurs si vous voulez voir qu'est-ce que la journée parking peut avoir l'air sur le site roulerabvelo.com pour voir toutes les photos de la journée, notamment de l'intervention policière. Donc justement, les policiers qui sont arrivés vers 11h et qui ont indiqué aux participants qu'un permis est nécessaire pour occuper un espace de stationnement autrement qu'avec un véhicule motorisé. Et par là, on entend un véhicule routier. Et les vélos ne sont pas considérés comme des véhicules routiers. Donc toutes les places de stationnement à Montréal sont réservées pour les engins à moteur. Vroom, vroom. Oui, il faudra demander une autorisation à la ville et espérer l'obtenir plus tard pour retenter le coup. Donc, c'est vraiment dommage. Tout ce qui avait été fait, c'était vraiment un espace qui avait été gazonné avec du gazon véritable, là, des bancs, des plantes. C'était vraiment un petit parc où c'était une bonne occasion, disons, ça attirait l'œil. C'est une bonne occasion pour sensibiliser la population au transport actif, à la marche, pas seulement au vélo. Mais tout ça est tombé un petit peu à l'eau assez rapidement. Ça prendra l'an prochain un vélo Bionix, les fameux vélos Bionix, on en a parlé cet été. Là. Il y a un petit moteur électrique là-dessus, alors c'est un moteur. Il va falloir vraiment examiner ce que le règlement dit, effectivement, si tous les moteurs sont bons, mais on pourra répéter l'expérience avec ce genre de vélo. Il y avait quand même un petit peu de musique pour mettre dans l'ambiance et un vélo malaxeur. Malheureusement, un vélo malaxeur, ça ne compte pas comme un véhicule à moteur. Donc, ça aurait été... Un vélo malaxeur. On peut faire des biscuits avec ça? En fait, plus des jus, disons. Des jus. Un vélo mélangeur, plutôt. On prend un vélo régulier, et puis quelqu'un qui a inventé une petite structure qu'on raccroche au vélo, et qui, lorsqu'on pédale, ben, le mélangeur, la lame, tourne. Donc, pas besoin d'électricité, c'est merveilleux. Il fallait juste pédaler peut-être une trentaine de secondes à une bonne vitesse, et on avait un jus de fruits frais, paraît-il, de savoureux. Ça met en forme de deux façons. Oui, c'est exact. Donc, la journée... Et puis, l'espace de stationnement avait été payé. Donc, tout au long de l'activité, l'espace avait été payé. Donc, il n'y avait aucun manque à gagner pour l'arrondissement de ce côté-là. C'est vraiment juste pour des raisons de permis et peut-être de sécurité. Quoi qu'il y avait des cônes oranges placés tout autour là, du périmètre de l'événement. Faudra demander au maire de Ville-Marie. Oui, ça va certainement être fait bientôt. Donc, c'est ça. Donc, tout le gazon qui avait été amené là a été mis sur le véhicule familial, donc d'une des personnes du collectif Montréal à vélo. Donc, le camion était recouvert de véritables gazons. C'était très joli à voir quand même. Faut pas rouler sur l'autoroute avec ça. Préférablement non. Mais c'est un véhicule très vert, par contre. Je parle maintenant du vélo en libre-service à Montréal. Si on suit au règlement du concours Trouve mon nom, qui a pour but de baptiser le système de vélo en libre-service, le coût de l'abonnement annuel serait de 100 $. C'est pas une annonce officielle, seulement j'ai regardé les règlements du concours et c'est ce que j'ai trouvé comme information. Donc le concours lui permet de soumettre des idées de noms jusqu'au 31 juillet et les prix sont nombreux. Le plus convoité est sans doute le premier prix, on l'imagine, avec un abonnement à vie, qui est, selon les règlements, une vie dure 20 ans seulement, mais c'est quand même un prix intéressant. Quand on fait beaucoup de vélo, ça peut durer très longtemps. Beaucoup plus longtemps que ça, oui. On gagne aussi un casque et une gourde avec le premier prix. À moins qu'on finisse sous les roues d'un taxi. Oui, excusez-moi. On ne le souhaite jamais. Selon l'article 3 de la section prix du concours, quand on parle de 100 $, il s'agit d'une valeur approximative. Donc, un abonnement d'un an a une valeur de 100 $, le casque 70 $ et la gourde 5 $. Et c'est un tarif qui peut sembler assez élevé, étant donné que l'abonnement, par exemple, au Vélib de Paris, lui, coûte à ses utilisateurs 29 euros, soit 46 $ canadiens. Donc, on parle quand même du double. De plus, dans la capitale française, les 30 premières minutes sont gratuites. Et à Lyon, tout dépendant de l'abonnement que l'on prend ou de la carte qu'on utilise, peut passer de 30 à 60 minutes qui sont gratuites. Peut-être que la situation va être la même à Montréal et qu'on va avoir les 30 premières minutes gratuites. On sait déjà que le service est supposé être moins cher que le transport en commun. Sauf que si on prend le vélo en libre-service plusieurs fois dans la journée, on se demande à quoi vont ressembler les tarifs. On a bien hâte de le savoir. Donc, on se pose la question, est-ce que la ville de Montréal va être plus ou au contraire moins généreuse que son homologue française de Paris? Là, la question, et je vous tiens au courant. Il se peut aussi que la ville révise le montant de 100 $, que ce soit une valeur générale pour le prix, ou qu'elle décide simplement de ne pas faire payer la valeur totale ou réelle de l'abonnement annuel aux cyclistes, aux nouveaux cyclistes, puisqu'il y a déjà beaucoup de cyclistes qui utilisent leur propre vélo dans la métropole. Et puis du côté du concours Trouve mon nom, dès le 8 août, il sera permis de voter pour le nom préféré sur le même site Internet. Et puis les gagnants sont dévoilés le 22 septembre, donc on se rend sur le site trouvemonnom.ca. Et je vous parle maintenant du sondage de juillet. Vous pouvez toujours répondre sur le site roulavélo.com. Au menu, il y a 10 questions sur le vélo urbain. Et je vous donne un aperçu des questions. Donc, je vous pose ces questions. Avez-vous déjà été victime d'intimidation de la part d'un automobiliste, d'un cycliste ou d'un piéton? Vous, Nicolas, par exemple, avez-vous déjà été victime d'intimidation lorsque vous circulez? Est-ce que vous circulez à vélo dans les rues de Montréal? Je circule beaucoup à vélo dans les rues de Montréal. Et tout à l'heure, je disais finir sous les roues d'un taxi parce que, bon, il y a des automobilistes qui ne nous aiment pas et qui voudraient nous chasser des rues. Eh bien, je dirais que c'est plus souvent qu'autrement des chauffeurs de taxi qui conduisent de façon un peu dangereuse quand il y a des cyclistes à côté. Et oui, j'appelle ça de l'intimidation, et non, ça ne me met pas le sourire au visage. C'est sûr, et puis quand on parle justement des automobilistes, ben, on se dit, ben, on a priorité, donc parfois on prend notre priorité à certains coins de rue, par exemple. Mais c'est vrai que moi aussi, quand je vois que c'est un taxi, je regarde à deux fois plutôt qu'une. Je suis doublement prudent quand c'est un taxi. Exactement. Donc, ben, écoutez, c'est une très bonne façon de faire. Félicitations. Une autre question, c'est avez-vous déjà été victime d'un accident de vélo? Évaluer les pistes cyclables à Montréal, donc de excellent à dangereux. Et puis aussi, quelle idiotie avez-vous le plus souvent entendu lorsque vous circulez à vélo? Donc là, j'ai bien hâte d'entendre les réponses des gens. J'en ai déjà eu quelques-unes. Donc, ben, en fait, celle qui revient le plus souvent, ce sont des cyclistes qui se font dire par des automobilistes après parfois que les automobilistes les aient, comment dire, poussés ou tassés, disons, presque sur le trottoir, là. Ils disent à ces cyclistes-là qu'ils n'ont pas le droit de circuler dans la rue, que leur place, c'est sur le trottoir. Ah bon? Dans le ciel, peut-être, dans le ciel, ça irait bien. Oui, avec des petites ailes, là. Ouais, c'est ça. Franchement, les cyclistes, on serait peut-être contents. Mais bon, les réponses sont acceptées jusqu'au 31 juillet 2008, jusqu'à 23h59. Et puis, petite chronique dans la chronique pour terminer cette chronique, ce que j'aime ce mot. Donc, la chronique « Pourquoi pas? » C'est une idée que j'en sors juste pour voir où elle va tomber. Si ça suscite des réactions, tant mieux. Donc, pourquoi ne pas obliger les élus municipaux à se déplacer au moins 3 jours par été à vélo? questions qui puissent être concrètement sensibilisées à la qualité de la chaussée, à l'engorgement des pistes cyclables et à la réaction des automobilistes. C'est bien beau avoir un plan pour ajouter des centaines de kilomètres de pistes cyclables, mais encore faut-il rouler dessus pour voir s'ils sont vraiment adaptés aux besoins des cyclistes. Donc, si vous avez des questions, des suggestions, vélo@roulezavélo.com. Bien, merci beaucoup pour cette chronique, Dominique Raté. Merci. Alors, vélo, j'ai de la difficulté avec le nom de votre site. Roulez à vélo, roulezavélo.com. C'est exact, roulez avec un R. Rouler à vélo. Exactement. Alors, on va passer au sujet suivant, la montagne, les vélos de montagne sur le Mont-Royal. On reste dans les vélos. Il y a plusieurs types de vélos, les vélos de montagne. J'aime beaucoup le vélo, je suis un adepte du vélo, mais le vélo de montagne, je n'aime pas tellement. Et particulièrement quand je vais courir ou marcher sur le Mont-Royal, je ne les aime pas parce que souvent, ils arrivent vers nous sur un sentier du Mont-Royal comme une torpille. Ils descendent ça, ils dévalent ça à des vitesses assez impressionnantes. Sans trop se préoccuper de savoir s'il y a des gens qui marchent dans les sentiers en question. Et en plus de ça, semble-t-il qu'ils causent beaucoup d'érosion à certains endroits. Et donc, ça peut faire en sorte que les racines des arbres sont dégarnies, déchaussées. Et donc, c'est pas bon pour la montagne dans son ensemble. Et la montagne est un milieu plutôt fragile. Alors, j'ai discuté de toute cette question, de la question des vélos de montagne, avec la directrice générale des Amis de la montagne, Sylvie Guilbeault. J'ai commencé par lui demander, les Amis de la montagne cherchent toujours à trouver une solution aux dommages que causent les adeptes du vélo de montagne sur le Mont-Royal? Oui, ben, alors les Amis de la montagne ont pris l'initiative l'an dernier de chercher des solutions, là je vais dire le mot des solutions durables au problème des vélos de montagne sur le Mont-Royal. Alors, la problématique n'est pas nouvelle. Ça fait presque 20 ans que nous, on se penche sur cette situation. Il y a un peu plus de 15 ans, on avait regroupé plusieurs intervenants des autres montées régiennes, Mont-Saint-Hilaire, Mont-Saint-Bruno, qui avaient aussi le même problème que nous. Alors, le vélo de montagne prenait de plus en plus d'ampleur. Puis là, à ce moment-là, on se disait, bon, est-ce que c'est seulement une mode qui va passer? Et puis, on s'aperçoit, là, après toutes ces années, que c'est pas une mode, c'est vraiment un sport qui s'est imposé partout dans le monde. C'est un sport olympique. Mais beaucoup au Québec. Un sport qui est là pour rester. Et qui est là pour rester et qui s'est développé. Donc, depuis les 15 dernières années, c'est pas la première fois qu'on fait quelque chose. On a essayé avec la Ville de Montréal différentes approches qui ont été de fermer les sentiers avec des clôtures, avec des arbres, avec des roches, d'avoir des interventions policières, d'avoir une patrouille de sensibilisation. Ce qui est arrivé, c'est que ces différentes interventions-là n'ont pas nécessairement eu de suivi. Il aurait fallu vraiment être très rigoureux et poursuivre autant pour la police, autant pour les interventions sur le terrain ou la sensibilisation, de poursuivre de façon intensive d'année en année, avoir une grande, grande présence sur le terrain, ce qui n'a pas été fait. Donc, les différentes interventions n'ont pas été couronnées de succès et les cyclistes ont continué à faire du vélo hors sentier, parce qu'il faut bien s'entendre, le vélo est autorisé sur le Mont-Royal, mais sur les sentiers comme le chemin Homestead, quand on parle du parc, là, les vélos sortent aussi du parc du Mont-Royal. Les vélos vont dans les secteurs des cimetières, le cimetière Notre-Dame-des-Neiges, le cimetière Mont-Royal, l'Université de Montréal. Et là, il n'y a pas vraiment de sentier autorisé. Le vélo de montagne n'est pas permis. Mais comme il n'y a pas de surveillance, il n'y a pas de présence dans les boisés nécessairement, donc les vélos ont fait leur propre sentier, ont fait leur propre lieu de pratique. Je peux vous dire que j'ai vu une rampe de lancement pour vélos de montagne qui faisait environ 8 pieds de haut. Non, c'est vraiment assez impressionnant. Les rampes qui ont été faites, les sauts, c'est étonnant qu'on n'entend pas plus parler qu'il y a des gens qui se blessent. Il y en a peut-être qui le font, mais ils ne le rapportent pas parce qu'ils sont dans des endroits qui sont non permis. Mais il y a vraiment... et ça, on est allé, on a fait le terrain plusieurs fois, puis on a amené des gens voir. Et c'est assez impressionnant, les rampes qui se sont faites. Et puis les sous-bois, vraiment particulièrement dans les cimetières, ont été très, très endommagés. Là, c'est sûr qu'on pointe les vélos de montagne. Mais ça pourrait être la même situation, puis on peut pointer aussi les marcheurs qui fréquentent la montagne et qui sortent des sentiers autorisés. Donc, la problématique, elle s'étend à tout utilisateur qui ne respecte pas les sentiers et qui vont aller dans les sous-bois. C'est sûr que le vélo de montagne, bon, ça a des impacts assez visibles, mais les vélos vont passer souvent dans la même piste. Alors, ils se créent des pistes, puis ils vont aller au même endroit. Ben, s'il y a trop de boue, habituellement, ils aiment ça, mais ils peuvent aller à côté. Alors, mais comme il n'y a pas eu de contrôle, on se retrouve actuellement avec des sous-bois vraiment très endommagés. Les marcheurs vont vraiment n'importe où. Et votre étude que vous êtes en train de mener, ça va. Quand est-ce que vous allez prendre des gestes, des nouveaux gestes pour tenter de résorber le problème des vélos de montagne? Alors, on a eu, je vous dirais, beaucoup de courage d'amorcer cette démarche parce que c'est une démarche qui est très difficile. Considérant que, comme on disait, les cyclistes qui font du vélo de montagne sont déjà établis, il y a une habitude sur le Mont-Royal. Et ça le dit, vélo de montagne, chaque vélo cherche sa montagne. Et il y a une seule montagne sur l'île de Montréal et c'est le Mont-Royal. Le problème avec le Mont-Royal, c'est que maintenant, c'est un arrondissement historique et naturel reconnu par le gouvernement du Québec. Donc, c'est un joyau. Là, on ne parle pas juste du parc, mais de toute la montagne. C'est un endroit protégé. Et quand la complexité, c'est de dire, bon, il y a beaucoup d'intervenants qui sont impliqués dans cette démarche, et autant les propriétaires institutionnels, les cimetières, l'Université de Montréal, mais aussi la Ville de Montréal, qui mènent ce plan de protection, un plan de protection pour toute la montagne, et qu'il y a plusieurs actions de remise en état de la forêt, de protection et de la biodiversité. Donc là, on rentre dans le milieu naturel, mais on dit, si on veut que les gens qui font du vélo puissent avoir un endroit à eux, il faut en trouver un. Mais sur l'île de Montréal, il n'y a aucun endroit autorisé pour le vélo de montagne. Donc, ce qu'on a dit, puisque les autres tentatives, les autres démarches qui avaient été faites n'avaient pas eu de succès, on a dit on va travailler avec les gens du milieu cycliste à trouver des solutions, et non pas seulement avec les gens qui veulent sortir les vélos de la montagne. Donc, depuis plus d'un an, on a cette démarche avec la Fédération du vélo, la Fédération du sport cycliste au Québec, et également une association qui est l'ADSVMQ. C'est une association pour le développement des sentiers de vélo de montagne au Québec. Les Amis de la montagne qui considèrent offrir officiellement la montagne aux vélos de montagne. On va entendre la suite de cette entrevue dans un moment. On va d'abord écouter les Cowboys Fringants qui nous chantent Plus rien. Je faiblis, mon frère est mort hier au milieu du désert. Je suis maintenant le dernier humain de la terre. On m'a dit qu'il appris jadis quand j'étais un enfant ce qu'avait l'air le monde il y a très très longtemps, quand vivaient les parents de mon arrière-grand-père et qu'il tombait encore de la neige en hiver. En ces temps, on vivait au rythme des saisons et la fin des étés apportait la moisson. Une eau pure et limpide coulait dans les ruisseaux où venaient s'abreuver chevreuils et orignons. Et moi, je n'ai vu qu'une planète désolante, paysage lunaire et chaleur suffocant, et tous mes amis mourir par la soif ou la faim, comme tombent les mouches jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Plus rien. Plus rien. Il ne reste que quelques minutes à ma vie, d'autant plus quelques heures, je sens que je faiblis. Frère et mort hier au milieu du désert, je suis maintenant le dernier humain de la terre. Tout ça a commencé il y a plusieurs années, alors que mes ancêtres étaient obnubilés par des bouts de papier que l'on appelait argent, qui rendait certains hommes vraiment riches et puissants. Et ces nous, Dieu ne reculant devant rien, étaient prêts à tout pour arriver à leur fin. Pour s'enrichir encore, ils ont rasé la terre, pollué l'air ambiant et tari les rivières. Mais au bout de 100 ans, des gens se sont levés et les ont avertis qu'il fallait tout stopper. Mais ils n'ont pas compris cette sage prophétie, ces hommes-là ne parlaient qu'en termes de profit. C'est des années plus tard qu'ils ont vu le non-sens, dans la panique on déclarait l'état d'urgence. Quand tous les océans ont englouti les îles et que les inondations ont frappé les grandes villes. Par la suite, pendant toute une décennie, ce fut les ouragans et puis les incendies, les tremblements de terre et la grande sécheresse. Partout sur les visages, on lisait la détresse. Les gens du se battent contre les pandémies, décidées par millions par la grosse maladie. Puis les autres sont morts par la soif ou la faim, comme tombent les mouches jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Je suis maintenant le dernier humain de la terre. Au fond, l'intelligence qu'on nous avait donnée n'aura été que beau cadeau empoisonné. Car il ne reste que quelques minutes à la vie. D'autant plus quelques heures, je sens que je faiblis. Je ne peux plus marcher, j'ai peine à respirer. Adieu l'humanité, adieu l'humanité. Je m'excuse aux Cowboys fringants de couper leur chanson, mais elle est très longue, elle fait 9 minutes environ. Donc, on revient à Sylvie Guilbeault, directrice générale des Amis de la Montagne, qui nous expliquait qu'elle a commencé, elle a entrepris des discussions avec des groupes cyclistes. Alors, on écoute Sylvie Guilbeault. Ça a été très intéressant jusqu'à présent parce qu'on a regardé avec eux qu'est-ce qui se fait en Amérique du Nord, où il y a eu des projets qui ont eu beaucoup de succès. On a ciblé des villes parce qu'il fallait chercher des milieux urbains, parce qu'il y a des endroits pour faire du vélo de montagne, que ce soit en Colombie-Britannique, mais ce sont des grands espaces où la densité urbaine est beaucoup moindre. Donc, on a cherché des sites semblables. Et puis, on en a trouvé à Chicoutimi, qui est quand même une ville de moins grande envergure que Montréal, mais d'autres villes aux États-Unis, à Seattle, également à New York. Autre exemple, à Toronto également, où les municipalités ont travaillé avec les clubs cyclistes et ils ont aménagé des pistes de vélo de montagne. Mais là, on parle vraiment d'aménagement, des sentiers faits en bois là, qui passent à différents endroits, soit dans des milieux naturels, ou il y a un autre cas qui est vraiment intéressant à Seattle, où ils ont choisi un site que j'appelle moi un site mal aimé. Donc, c'était un site qui était abandonné sous une autoroute. Il y avait des déchets, il y avait toutes sortes de délinquants aussi qui se retrouvaient là. Bon, alors ce qu'ils ont décidé, ils ont aménagé cet espace sous l'autoroute avec un sentier pour les vélos de montagne. Ils ont même reboisé une partie et c'est un site vraiment très, très intéressant. Ils se sont même rendus à développer une phase 2 tellement que c'est populaire. Donc, vous songez aménager des sentiers pour le vélo de montagne sur le Mont-Royal. Et là, c'est la question, pas nécessairement sur le Mont-Royal. Alors, notre étude a été de regarder sur, je voudrais vous dire, toute l'île de Montréal, mais l'île de Montréal, c'est très grand. Et comme la majorité des gens qui font du vélo de montagne se retrouvent sur le Mont-Royal, qui est central, on a dit, est-ce qu'il y a un endroit sur le Mont-Royal qui peut accueillir des vélos de montagne ou dans un rayon de 10 km du Mont-Royal? Parce que les cyclistes nous disent, on est prêt à se déplacer là dans un rayon de 10 km du Mont-Royal pour pratiquer notre sport dans un endroit qui va être autorisé, qui va être sécuritaire. Donc, c'est ce qu'on a regardé. Sur le Mont-Royal, je vous dis, ça a été clair et exclu tout de suite qu'il n'y a aucun endroit dans le parc du Mont-Royal où ce sera autorisé. Le parc, il y a déjà 5 millions de visites par année dans le parc. Il y a une pression immense et bien que certains trouvent que c'est un grand parc, quand on le connaît bien, c'est un petit parc. Donc, on a dit dans le parc du Mont-Royal, ce n'est pas possible. Il y a un endroit qu'on a identifié, mais là, on est vraiment au tout début des discussions et de l'analyse. Ce serait l'ancienne piste de ski qui est sur le terrain de l'Université de Montréal, derrière le centre sportif, le CEPSUM. Mais là encore, c'est parce que quand on parle de protection du milieu naturel, on se trouve dans un endroit à proximité de boisés de grande valeur écologique. Mais l'endroit dont on parle, c'était une ancienne pente de ski. C'est un espace ouvert. Donc, on est en train de regarder la possibilité d'avoir, si ce serait possible d'avoir une piste pour le vélo de montagne à cet endroit. Vous avez planté beaucoup d'arbres dans ce secteur-là. C'est en train de se renaturaliser. Donc, c'est un changement assez radical. Bien, les arbres qui ont été plantés, ça a été vraiment toujours fait dans un esprit de garder. Ça a été plus de chaque côté de l'espace qui est ouvert. Donc, c'est pas dans le milieu de la pente de ski. Parce que c'est un endroit volontaire, qui est gardé ouvert volontairement. Mais comme je vous dis, c'est pas c'est au tout début là, de l'analyse, parce qu'il faut regarder aussi les impacts que pourrait avoir, si on crée un espace pour les vélos de montagne, l'affluence que ça va avoir, l'impact de venir en grand nombre, parce que du moment qu'il y a un endroit autorisé, on sait qu'il va y avoir une plus grande fréquentation. Donc, on sait que pour les gens du milieu cycliste nous l'ont dit, présentement, il y a des gens qui n'en font pas sur le Mont-Royal parce que ce n'est pas autorisé. Donc, ils respectent ça. Mais il y a plusieurs clubs cyclistes qui attendent qu'il y ait un endroit autorisé à Montréal pour venir s'entraîner. Donc, ça, c'est important parce que si on ouvre un sentier, un endroit, il faut être sûr qu'il y a un contrôle important pour que tout le monde reste dans le sentier. C'est pour ça aussi qu'on travaille avec les clubs cyclistes pour avoir leur coopération, là. Si vous doublez l'achalandage, vous risquez de créer un problème plus grave encore, non? C'est pour ça que je vous dis, c'est vraiment à l'étape de réflexion. Alors, juste pour compléter aussi sur les autres sites potentiels, on a dit le Mont-Royal, s'il y a un lieu qui est retenu, parce qu'on n'est même pas à cette étape-là encore, ce serait derrière le CEPSUM. Et on a regardé plus à l'ouest et plus à l'est. Donc, plus à l'ouest du Mont-Royal, il y a la falaise Saint-Jacques, mais la falaise Saint-Jacques également est identifiée comme éco-territoire. Et de l'autre côté, plus à l'est, le seul site qui semblait possible, c'est le centre environnemental Saint-Michel, donc ben justement, où se trouve la TAHU. J'y pensais justement, vous pourriez créer là un site de toutes pièces. Oui, alors ça aussi, on a exploré, on a rencontré les gens de la ville pour voir si c'était possible. Mais là encore, il y a plusieurs choses à vérifier. Puis le site, présentement, l'espace possible, là, il est encore en état de décontamination. Enfin, il y a des sites, ça va prendre 15 ans avant qu'on ait accès à cause des gaz qui sont... Les biogaz qui sont dégagés. Exactement. Donc, on parle de projets à moyen et même long terme dans ces deux sites-là. Et il y a donc la possibilité qu'il y ait une pente pour les vélos de montagne là où il y avait une ancienne pente de ski qui appartenait à l'Université de Montréal il y a longtemps, il y a plus d'une vingtaine d'années. Et d'ailleurs, c'est un site que je connais bien, que beaucoup de gens connaissent, puisqu'il y a beaucoup de gens qui vont regarder le soleil se coucher sur ce site. Alors, ça pourrait devenir une piste pour vélos de montagne. Alors, eh bien, merci à Dominique Raté. Merci à Didier Achtal, ici Nicolas Gendron. On vous a présenté cette émission. Allô la Terre, ici Radio Montréal, sur les ondes de CIBL, Radio Montréal. Auto. Ben voyant, pourquoi pas l'avion? Ouais, c'est raisonnable. Lâche ta voiture, tu pollues. Les gaz à effet de serre, là, c'est à cause du monde comme toi, tout seul dans ton auto, t'encombres les routes. Pourquoi t'embarques pas quelqu'un de temps en temps? Et puis ça te coûte cher. 9 000 $ par année en moyenne.